D'une manière générale, quand on conduit, il vaut mieux avoir les yeux sur la route. Chaque fois qu'on détourne son regard de la route, on prend des risques. Le GPS est particulièrement utile aux personnes qui n'ont aucun sens de l'orientation et très efficace pour rechercher une adresse en ville. Il se programme avant un départ ou nécessite un arrêt. En circulation, on écoute les indications qu'il donne et qui sont précises. On recherche dans l'environnement routier ce qu'on entend sur le GPS. Réponse A et D.